Ainsi se termine cette première nuit spéciale Cinéma des Cahiers, une nuit passée en compagnie de Pascal Bonitzer et Thierry Jousse, au cours de laquelle nous avons entendu les voix de Jacques Doniol-Valcroze, Éric Rohmer, Jean Cocteau, Alain René, Agnès Varda, Jean Arboni et Jean-Charles Taquella évoquer André Bazin, Rossellini, Truffaut, Hitchcock, Chabrol, Jean-Claude Biette parler de Howard Hawks et Dimitri Tiomkine, Godard, Jean Rouch et enfin Jacques Rivette parler de La Religieuse depuis le Festival de Cannes en 1966. Au cours de cette nuit, nous avons pu entendre et comprendre que l'histoire du cinéma et celle des cahiers, c'est souvent une histoire de génération qui en bouscule une autre, de renouvellement permanent. Luc Moulet prétend d'ailleurs que Truffaut, jeune turc parmi les jeunes turcs, redoutait ce renouvellement perpétuel. Thierry Jousse. Je crois que c'est vrai. Il y a des traces de ça chez Truffaut et sans doute que, alors, et assez tôt d'ailleurs, parce que je crois que c'était autour de 1956. Donc on peut pas dire que Truffaut faisait partie, était complètement établi, même s'il était devenu un peu célèbre. Mais il y a eu une peur, disons, que ça aille trop vite. Je pense que les statues soient trop vite déboulonnées et qu'on en vienne aussi à peut-être défendre des cinéastes qui étaient vraiment trop secondaires ou trop mineurs. En oubliant finalement que voilà, il y avait quand même l'essentiel d'une certaine manière, quoi. Mais Moulet reviendra quand même, même s'il n'a vraiment pas vraiment écrit à cette période-là, il reviendra quand même par la fenêtre, si je puis dire, à la fin des années 50. Lorsque les jeunes Turcs réaliseront. Exactement, oui. Au début de cette nuit, nous avons entendu Maurice Scherrer, alias Éric Rohmer, s'interroger. Ce qui est le plus important, est-ce ce que nous avons écrit ou ce que nous avons fait ? En deux mots, Pascal Bonitzer, Thierry Jousse, le plus important selon vous, c'est ce qu'ils ont écrit ou ce qu'ils ont fait? En ce qui concerne Rohmer? En général. Si ce qu'ils ont fait veut dire les films, je pense évidemment que c'est les films. Mais je pense que leurs écrits sont également très importants. Est-ce que l'on peut vraiment dissocier? C'est ce que j'allais dire. Écrire, c'est aussi faire. On peut toujours dissocier. Mais écrire, c'est faire aussi. D'une certaine manière, comme il y a un lien organique entre les deux gestes chez ces cinéastes et critiques-là, j'ai du mal à les séparer complètement, même si, évidemment, fondamentalement, on peut penser que les films sont plus importants. Enfin, je sais que, pour en revenir à ce que je disais au tout début, en ce qui me concerne, la lecture des textes de Truffaut a vraiment été peut-être presque plus importante, en tout cas, pour un déclenchement, pour moi, que la vision de ces films, même si j'en aime un certain nombre. Je pourrais dire pareil. Merci à vous deux d'avoir partagé avec nous cette première nuit spéciale Cinéma des Cahiers. Nous nous retrouverons, Pascal Bonitzer et Thierry Jousse, samedi prochain à minuit pour une deuxième nuit spéciale Cinéma des Cahiers autour d'archives consacrées à Jean Renoir, Jean-Marie Straub et Daniel Huillet, Marguerite Duras, Jacques Rivette. Après avoir évoqué Rivette critique, nous évoquerons Rivette cinéaste, Serge Danet, Wim Wenders et Olivier Assayas. Chargé de cette émission, Hassan Mbéchour, à la technique, Pierre Faucillon, Jean-Guilain Meige, à la réalisation Virginie Mourtet, Alban Pénaranda et l'équipe des Nuits de France Culture vous souhaitent une excellente journée sur notre chaîne. La première nuit spéciale Cinéma des Cahiers est disponible sur le site franceculture.fr à la page des Nuits où vous trouverez toutes les informations pour la télécharger et la réécouter quand vous voulez. Très bonne journée à vous, Pascal Bonitzer et Thierry Jousse. Merci, vous aussi et à vous aussi. Nous nous quittons avec la musique d'Antoine Duhamel pour Pierrot le Fou de Godard.